On va parler du deuil, mais je tiens à spécifier qu'on va parler du deuil de chez l'adulte, parce que chez l'enfant, ce n'est pas la même manière d'aborder. Donc, même si des efforts considérables, le secteur des soins et de l'accompagnement, c'est-à-dire de la phase, on va dire, de l'avant-mort et de l'après-mort, il manque une réflexion. Avant, on peut s'interroger avant que le deuil et la perte n'arrivent, en fait. Donc, cette réflexion de l'accompagnement des endeuillés, et c'est aussi au fait qu'on arrive à un renouveau dans nos sociétés, à la suite des progrès en soins palliatifs, des réflexions sur les épidémies, des rémigrations, sur les catastrophes naturelles, environnementales, accidentelles, sur le terrorisme aussi, et le problème du deuil est un sujet de santé publique. Donc, l'historique récent nous a montré, depuis les années 1960, que la du deuil ne se limite plus uniquement à la mort physique, mais de manière plus précise à l'expérience de la perte. Donc, les adultes ne distinguent pas le deuil de la mort. Ils acceptent d'être accompagnés lorsque survient la phase terminale d'une maladie, un accident, mais ils n'imaginent pas que l'on puisse réfléchir en amont d'une séparation ou d'une finitude. Donc, ils acceptent d'être accompagnés lorsqu'ils sont en situation de traumatisme. Donc, on peut comprendre pourquoi les jeunes qui sont confrontés au deuil ne peuvent pas être accompagnés par les adultes. Et souvent, les jeunes se retrouvent isolés parce que justement, les adultes ont peu de repères face à la problématique du deuil. Alors, selon ces nouveaux comportements, ces nouveaux savoirs, on admet intellectuellement que quel que soit notre âge, notre race, notre culture, nos conditionnements, nos croyances, notre culturel, nous avons connu le deuil et nous aurons à le connaître. La société donc a tendance à moins rejeter les endeuillés. Mais ils restent encore souvent livrés à eux-mêmes. Donc, si le deuil reste encore tabou, c'est parce que la majorité ne le vivent pas et n'observent pas intérieurement la souffrance issue de l'attachement. Si les adultes, dès l'enfance, se préparaient à réfléchir ou à se tâcher et à faire son deuil, à ce moment-là, ils comprendraient mieux la dynamique de l'existence qui implique un équilibre entre le deuil, entre la vie et la mort. Alors, la devenue dominante dans nos sociétés mercantiles axée sur l'aspect matériel de la vie. Outre cette problématique dominante, il existe d'autres problèmes que nous avons, c'est-à-dire la difficulté que nous avons à exprimer nos émotions. Et quand nous exprimons nos émotions, on a tendance à s'identifier à elles. Et on n'a pas de recul, et puis on nourrit, c'est-à-dire qu'on est plus sincère dans nos émotions. Et il y a aussi le fait que nous considérons la vie et la mort comme des paradoxes. Alors, en raison d'une hypersion, d'une avancée technologique au détriment de l'humain, d'une surconsommation, d'un productivisme, la peur est devenue dominante au risque de perdre totalement nos valeurs essentielles. Nous avons peur de la maladie, de la vie, du handicap et du deuil qui correspondent à l'isolement social et à la solitude. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Louis-Vincent Thomas, cet anthropologue qui a divisé la mort en étapes, c'est-à-dire le mourir et l'après-mort. Et il s'était inspiré en cela du philosophe, donc Vladimir Jankélévitch, qui avait dit que, il y avait trois étapes temporelles de la mort. Mais pourquoi associe-t-on le deuil au temps? Moi, personnellement, je me pose la question. Nous fragmentons ainsi la mort en étapes, l'avant-mort, ou dans le mieux des cas, nous rédigeons un testament, par exemple, le mourir, et l'inclut des rituels, et évidemment le processus de deuil pour les proches. Nous acceptons la mort d'une personne âgée, d'un aîné, parce qu'on trouve ça naturel, on trouve ça normal. Mais lorsque c'est un jeune, suite à une maladie létale, une maladie incurable ou d'un accident domestique, un accident de la route, à ce moment-là, on se révolte contre la mort. On se dit que ça ne devrait pas exister, que ça ne devrait pas être, que c'est profondément injuste, se rebelle. Et cela implique la notion du temps. Le temps qu'il nous faut pour vivre, le temps qu'il nous faut pour ramasser des informations, le temps qu'il nous faut pour amasser des savoir-faire, le temps qu'il nous faut pour agir, un décalage entre les projets auxquels nous pensons et le fait de les mettre en application, le temps de la fin du connu, le temps finalement qui sépare le vivre du finir, le temps qui sépare le connu de l'inconnu. Le docteur Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre et pionnière dans le mouvement des soins palliatifs, avait décrit les différentes étapes par lesquelles le patient qui apprend sa mort prochaine passe, c'est-à-dire le choc de l'annonce, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Le déni peut s'agir pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. La colère, c'est injuste. Pourquoi ce serait moi? Le marchandage, ça peut être par exemple quelqu'un qui essaye de négocier avec la vie ou avec l'anesthésiste, avec l'oncologue, le médecin qui dit « mais laissez-moi encore quelques mois pour que je puisse voir mes enfants grandir ou laissez-moi encore quelques années, que les petits-enfants aillent à la crèche. » Puis il y a la dépression. Ou là on se dit « mais pourquoi m'apporter des soins de confort ? Je suis si triste, ça ne vaut plus la peine, je vais mourir, et alors ?» Et l'acceptation, où on se dit à ce moment-là, je vais pouvoir rire en toute sérénité et rendre mon dernier souffle. Nombre de personnes soutiennent l'idée avancée par le docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui dit que ces descriptions de ces phases lors de l'annonce prochaine de la mort sont transposables dans toutes les situations de deuil. Ce qui est exact, seulement je tiens à apporter une nuance et une subtilité, parce qu'on a tendance à faire des raccourcis. On voit, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, une distinction entre le deuil et la mort. Le deuil, c'est le connu. La mort, c'est une inconnue. Le deuil, on peut avoir des regrets. On peut avoir des remords envers le disparu. La mort, c'est un fait. Et pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi partout dans l'existence, les gens incluent la notion du temps? Pourquoi? Comme on voit, nous venons donc, les personnes acceptent donc qu'on puisse avoir des étapes du mourir avant de mourir, hein, des étapes de deuil avant le mourir, et on accepte aussi qu'on n'a pas qu'une seule mort dans la vie, mais plusieurs morts avant la mort, c'est-à-dire la mort physique. Alors, à ce moment-là, on comprend intellectuellement pourquoi le deuil et la mort sont reliés. Donc, pourtant, on peut se dire que le deuil est relié à un processus qui lui-même, un processus de deuil, ça veut dire qu'il est rattaché au temps. Et pourtant, la mort, c'est autre chose. Nous pouvons avoir peur de quelqu'un, donc c'est-à-dire le deuil, et ne pas avoir peur de sa propre mort. Avoir peur, ou inversement, ne pas avoir peur de sa mort, et souffrir de la peur de perdre quelqu'un, sont deux choses différentes. En ce qui me concerne, je pense que la peur de perdre quelqu'un peut tout simplement être liée au fait qu'on a peur de la solitude. On peut avoir peur de n'être plus rien en fonction de la relation qu'on a avec le disparu. On peut avoir peur de souffrir, de ne pas savoir se débrouiller d'un point de vue psychologique, d'un point de vue affectif ou même en pratique dans la vie de tous les jours par rapport à un disparu. Avoir peur de sa mort ou avoir peur de souffrir, de perdre quelque chose, comme je viens de le dire, sont deux choses différentes, mais en même temps qui appartiennent à une et seule même sphère, c'est-à-dire la sphère émotionnelle. En fait, Il faut savoir que le deuil, il est relié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des étapes de deuil, donc il est rattaché au temps, mais la mort, elle, c'est autre chose parce qu'elle est objective, elle est rationnelle, et donc elle ne peut pas à des émotions. Nous pouvons avoir des difficultés ou non. Par exemple, certaines personnes pensent pouvoir avoir des facilités à se détacher de quelqu'un ou de quelque chose, puisqu'il faut savoir que le deuil n'est pas, comme je l'ai dit, pas uniquement lié à la mort physique de quelqu'un, mais on peut être en deuil d'un investissement. Par exemple, si on a fortement investi un idéal, ou d'un animal, ou d'un objet, ou peu importe la situation, ou d'un travail, ou tous les gens qui souffrent là des inondations en deuil, toutes ces personnes. Et c'est difficile de se détacher de tout cela. Comme nous voyons, l'avant-mort et l'après-mort est attaché à un deuil. D'autres auteurs que le docteur Elisabeth Kubler-Ross, comme le docteur Christophe Fauré, psychiatre, a aussi décrit les étapes du deuil différemment. Par exemple, il l'a décrit comme une phase de choc, le choc donc de l'annonce, la phase de à rechercher le disparu, la phase de déstructuration, où il y a un mélange d'émotions, c'est-à-dire culpabilité, remords, regrets, tristesse, chagrin, colère. La phase de restructuration, on commence à se redéfinir au défunt et à soi-même. Mais on associe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on associe spontanément, sans réfléchir, le deuil au temps. Alors, on peut se poser la question, on peut faire quand une personne est en deuil. Déjà, c'est l'écouter, l'entourer. Parce qu'elle peut avoir à exprimer une culpabilité, de la colère. Certaines personnes ressentent une culpabilité qui est vraiment soit consciente ou inconsciente, parce que tout simplement, elle était peut-être témoin de la mort, ou alors elle était participante au moment de la mort. Certaines personnes peuvent aussi ressentir une culpabilité profonde, parce que tout simplement, elles avaient des sentiments envers le mort, qu'il s'agisse d'ambivalence mort, et amour et haine, en fait. Et il est important de les entourer parce qu'à l'heure actuelle, il y a suffisamment d'études qui ont montré qu'il y avait beaucoup plus que de risques d'avoir un accident ou même de mourir quand on est en période de deuil. Alors, le deuil, la personne qui est endeuillée, c'est à elle à donner sens et à sa perte. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre à le faire, même si elle peut être accompagnée et qu'il est important d'accompagner les endeuillés. Donc cette personne, elle va donner sens, elle aura pris du recul par rapport à ses émotions, elle pourra à ce moment-là réfléchir sur le devenir du corps. Et ceux qui ont des formes de spiritualité, ils vont réfléchir sur le devenir de l'âme et de l'esprit du défunt, pour pouvoir se reconstruire par la suite. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris là. Ça va, j'ai pris 10 minutes. D'accord. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, il faut bien réfléchir à la suite du temps. Parce qu'on peut penser qu'en période de deuil, nous allons imaginer que le temps va faire les choses. Nous allons nous dire, la règle c'est, on va se dire un an après avoir perdu quelqu'un, c'est plus ou moins la. Mais en fait, personne ne peut dire de manière sûre et certaine que le deuil va tout arranger, que le temps va arranger. Psychologiquement, le temps est une illusion. Moi-même, j'ai jamais fait l'expérience de manière sûre et certaine que le temps allait arranger tout. Ce qui va arranger tout, c'est l'amour. Seul l'amour peut arranger tous les problèmes. Le temps, par exemple, on peut se dire, c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion, qu'il n'y a pas de distinction entre le deuil et la mort, parce qu'on se dit que... En fait, c'est pas si facile que ça, je trouve, de parler comme ça. Il y a tellement de vagues. Donc, quelque part, la mort et le deuil, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc, oui, on ne peut pas les distinguer parce qu'on fait ce qui va... Voilà, le détachement. Alors, bien sûr que je ne pourrais pas m'exprimer de la même manière si je parlais du détachement dans un colloque, par exemple un séminaire sur la souffrance ou sur le deuil ou sur la... peu importe, sur les problèmes liés au cancer ou autres troubles, quoique tous les cancers, maintenant, on en guérit de plus en plus. Mais ce que je veux dire, qu'on ne peut pas se comporter de la même manière et dire les mêmes choses si on parle à quelqu'un qui est endeuillé ou si on va intervenir dans un colloque sur simplement les personnes qui se sont inscrites au séminaire ou dans un colloque sur le deuil. Elles ont envie d'en savoir plus. Elles ont envie d'approfondir le sujet. Elles sont venues exprès pour ça. Alors, on ne va pas dire à quelqu'un, par exemple, qui est en deuil, de se détacher parce que ce serait complètement incompréhensible pour la personne à ce moment précis. Ressentir de la culpabilité, de ressentir de la souffrance. En fait, on ne va pas se comporter de la même manière. Je ne dirai jamais à quelqu'un qui a une crise de colite néphrétique, par exemple, ou quelqu'un qui tombe d'une échelle et qui a une fracture ouverte, de se détacher. Ce serait complètement... Je ne vais pas non plus dire à un père ou à une mère qui vient de perdre son enfant de se dire de se détacher. Parce qu'on est à peu près sûr et certain qu'elle ne va pas comprendre à ce moment-là ce que signifie le mot détachement. J'ai constaté et observé que le mot détachement est souvent mal compris. Il est souvent mal saisi. Parce qu'on pense que se détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation... Ça veut dire être indifférent, ne rien éprouver. Ça veut dire quelque part être froid, mais ça n'a rien à voir. Se détacher, en fait, c'est en toutes circonstances et dans toute situation, c'est quelque part agir avec compassion, empathie et sérénité. En fait, la plupart des gens ont une mauvaise compréhension de ce que signifie le mot détachement. Parce que le mot détachement, finalement, accaparé par la société mercantile dans laquelle on est en permanence, qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que signifie le mot détachement, parce que les gens ne sont pas intéressés par le sens de la vie, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas envie d'aller voir, de creuser, d'approfondir ce que ça signifie. Ici, dans la démarche de l'éducation populaire, on est intéressé à approfondir ces sujets. Je n'ai pas envie non plus d'aborder ce qu'on peut trouver dans des livres où on vous décrit les étapes de deuil. Ça, vous pouvez le faire. Mais là, réfléchissons bien ensemble et approfondissons pourquoi partout nous mettons les notions de deuil. Et quand on réfléchit, qu'est-ce qui peut, quelles sont les clés par rapport à la souffrance, par rapport à la perte, par rapport au deuil, les clés sont le détachement. Alors, bien sûr que je n'ai pas du tout la prétention de dire que de se détacher, c'est facile. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas facile de se détacher. Mais c'est simple, parce que ça résout tout. Ça résout tous les problèmes. Se détacher, on fait l'expérience que finalement on pense aussi qu'il y a comme une espèce, vous avez déjà pu le constater, on a l'impression qu'on résout un problème, puis après, quelques temps après, on se rend compte qu'on n'a pas résolu. Parce qu'il y a eu des études qui ont révélé que le deuil, quand on a un deuil, par exemple ici à l'instant présent, ça va réveiller tous les autres deuils passés. Et pourtant, si nous avions mort au sens psychologique du terme, alors à ce moment-là, il n'y aurait plus de résidus des deuils antérieurs. Nous serions passés à autre chose. On pourrait même parler tout simplement de tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui s'écroule d'un point de vue économique, écologique, etc. On pourrait se dire aussi qu'on pourrait passer à autre chose pour pouvoir quelque part mettre en place tous nos idéaux. Les idéaux d'amour, d'altruisme, de fraternité, de conscience écologique, de partage solidaire, et tout ça aussi passe par des étapes de deuil. Et plus nous allons nous accrocher, plus ce sera difficile pour les personnes qui vont absolument vouloir à s'attacher à ce qui appartient au passé. En fait, la souffrance et le détachement ne vont pas ensemble. Quand il y a un processus de deuil, quand nous sommes en deuil, c'est automatiquement à la notion d'attachement. L'attachement à notre petit moi. La souffrance, quand nous souffrons, c'est automatiquement lié à notre petit moi. Bien sûr que on est ici pour Abos et que tout ça, même les descriptions d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est de la théorie. On sait très bien, nous, par expérience, que c'est difficile de se détacher concrètement. Mais c'est bien aussi de réfléchir et d'approfondir cette question du deuil qui est un vécu intérieur, parce que bien souvent, comme c'est relié au temps, la notion du deuil, on pense qu'on réfléchit et on ne fait qu'un travail de deuil lorsque, finalement, même nous sommes en deuil, ce qu'on appelle, entre guillemets, une crise. Et la crise, bien souvent, elle vient de l'extérieur. On nous annonce qu'on est en deuil de quelque chose, on nous annonce la mort de quelqu'un, ou parce que nous avons perdu le travail, et à ce moment-là, on fait un travail de deuil. Mais le travail de deuil, comme c'est un travail intérieur, et personne ne peut le faire à notre place, ce travail intérieur, il n'est pas uniquement relié au temps ni à un moment de crise. Le travail de deuil, il doit se faire tout au long de la vie, à partir du moment où nous ressentons et où nous éprouvons des manques. Oui ? Bon, est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est sur le deuil. Moi, je vais peut-être commencer. Vous parlez de détachement en disant que c'est positif, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? En fait, pour moi, le détachement, c'est ni positif ni négatif. Par une étape, enfin, une étape, ça dépend comment on introduit encore le mot étape. Ça veut dire le détachement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire que quelque part, c'est pas lié aux émotions. Détachement, vous voyez, c'est quand on a pris de la distance émotionnelle par rapport à une situation qu'on arrive de plus en plus à se détacher. Alors c'est très difficile quand on annonce, c'est pour ça que ça ne me viendrait pas à l'idée d'annoncer, de dire, parler, quelqu'un est vraiment en souffrance et vient d'apprendre quelque chose, parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut comprendre le détachement. Le détachement, c'est tout simplement ne pas s'identifier au passé, on pourrait même dire à tout ce qui est derrière nous, même ce que nous avons pensé à un moment donné, était juste au moment où nous l'avons pensé, mais c'est déjà quelque chose de passé. Alors, je comprends que c'est pas facile comme ça de vulgariser, mais en fait, je sais que vous le comprenez parce que vous l'avez expérimenté. Tout le monde a expérimenté le détachement. On sait ce que c'est. Mais là, comme on est dans une éducation populaire, on est obligé, quelque part, de nommer les choses, de décortiquer, on pourrait dire, les concepts, approfondir. C'est plus cette observation et des histoires personnelles et puis peut-être une question, je verrai. Ce qui est intéressant, c'est que tu as développé la partie spirituelle. Non, ce que je comprends déjà, il y a, on va dire, deux types de personnes sur le deuil. C'est qu'il y en a qui vont lui sur la spiritualité religieuse, ça veut dire bon, on ira au paradis ou en enfer. Donc là, c'est un concept avec par rapport à sa vie, ce qu'on met dans sa vie, comment on construit son deuil, etc., qui est très différent que quelqu'un, par exemple, qui va être... Ou justement, mais pas là. Moi, je crois pas en Dieu, donc je vais pas mettre cet aspect-là très religieux, très spirituel sur. Je vais en enfer, je vais en paradis. Moi, cette conception-là, du moins, elle m'intéresse peut-être pas trop, et c'est pas là-dessus que je vais me baser pour un produit tous les jours. Et après, le deuil, t'as dit. Je suis pas moins spiritualité, je suis plutôt athéisme et puis agnosticisme. Et peut-être une réponse aussi sur comment peut-être des personnes peuvent vivre le deuil, c'est qu'il y a du magnétisme et du massage. Et dans le magnétisme, il y a un concept très énorme qui, en fait, vous avez le corps physique, notre corps, et au-dessus, vous avez tout ce qui est auratique. Donc, on va dire d'autres couches qui vont avoir des fonctions spécifiques, qui vont parler aux gens et à ce corps auratique. Et ça me fait dire que, moi, dans ma conception, je pense qu'il n'y a pas... Il y a en fait la mort physique, et après, vous avez encore l'esprit qui est là. Moi, je ne mettrais pas la partie âme, parce que âme, ça, c'est plus par rapport aux religions. Ou là, l'âme, c'est plus par rapport aux gens des religions là, qui mettent ce terme-là. Donc ça, c'est encore super spécifique, encore une notion très spécifique par rapport à d'autres. Et moi, je dirais que ouais, ma tante, elle est peut-être partie physiquement, mais après, au niveau de la pensée, au niveau de plein de choses, je la ressens encore. Et on va dire, c'est après, d'où aussi la partie où je m'étais, c'est que aujourd'hui, je me suis peut-être détaché du manque physique, et aujourd'hui, j'ai plutôt maintenant l'esprit spirituel avec elle. Du moins, dans ma conception, c'est plus la spiritualité maintenant que je gère avec elle, avec son esprit. Et donc là, le détachement, je l'ai fait. Et après, c'est pareil sur le détachement. C'est vrai qu'il y a un petit détachement plutôt on va dire spirituel, détachement émotionnel, détachement par rapport à ce qu'on a vécu avec elle, notre rapport avec la personne qui est morte. Et donc après, je ne sais pas ce que les autres peut-être en pensent. Mais après, le détachement, peut-être un concept, mais je trouve ça très, ça sera très intéressant peut-être de parler, de voir... pour les gens qui parlent par détachement chez eux et s'y mettent comme concept. Parce que même moi, avec ce que je connais, je n'aurais même pas l'expliquer, parce que c'est une conception trop vaste et trop propre à chacun sur cette question-là. Allô ? Ouais. Personnellement, je suis ostéopathe et... prof de yoga aussi, et du coup le côté psycho aussi bien que toi, sauf que mon problème, je comprends pas ton détachement entre le physique et le psycho. C'est-à-dire que j'entends bien que tu as eu un proche qui est parti, mais ce côté psycho qu'elle met en avant un petit peu, est toujours... Pour moi, la religion est qu'un fantasme, et c'est le psycho, la théorie qui... Du coup, cet esprit, ce côté religieux, tu y crois toujours. Le fait que cette personne soit là avec toi, etc., qui t'accompagne, et du coup, ce détachement que toi, qu'elle essaye de mettre en point, que ce détachement que toi, tu as vis-à-vis d'elle, de cette séparation physique, mais de cette présence quand même... et de cette énergie psychique, pour moi, c'est ce qu'elle remet... Je suis un peu bourré. Je me perds peut-être dans mes... mais pour moi, c'est ce qu'elle met en avant dans son détachement global, en fait. Tu acceptes totalement le détachement qu'elle met en avant en disant que le côté spirituel est passé, mais le côté physique... Et l'image et le souvenir qu'on a, ce qui est pour moi le côté religieux, est toujours très important et présent à 100% vis-à-vis de toi. Oui ? Ah, pas du tout. C'était une question vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis du groupe en total. Il y en aura peut-être d'autres tout à l'heure. Donc, si d'autres gens veulent poser des questions ou même donner son avis, ouais. L'abandon. Comment gérer l'abandon ? Oui, je pense que monsieur le prend, l'abandon, comme une autre forme du détachement. Mais ça peut être aussi l'abandon, parce que la plupart des gens, de souffrir de la perte de quelqu'un, parce qu'ils se sentent abandonnés. Là, c'est différent. Il faut faire une nuance. Je suppose que c'est dans ce sens-là. Vous parlez de l'abandon, de s'abandonner à quoi ? À qui ? Se sentir, monsieur ? Ah oui, par rapport à... J'entends pas. Oui. Vous voulez rajouter un mot ? L'abandon, exactement, par rapport à... Bah, l'abandon, la découverte, quoi, l'abandon. De parler du deuil, de se sentir abandonné. Là, c'est très... Donc, monsieur, il parlait du fait qu'ils se sont abandonnés. Hein, c'est d'après ce que je comprends. Mais c'est par rapport à une situation globale ou par rapport à un deuil particulier ? C'est... Une situation globale ? Oui, oui. Et bon, c'est la société dans laquelle on vit. Malheureusement, on vit, c'est le résultat, quelque part, d'une société beaucoup trop axée sur l'aspect matériel, qui fait qu'on oublie les relations entre les gens. La première chose qu'on devrait faire, c'est quand quelqu'un est en deuil, normalement, il devrait, dans le voisinage, on devrait se dire, je vais aller, j'ai appris que quelqu'un a perdu quelque chose, et aller aider son voisin, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, maintenant, de personnes, d'expressions des personnes endeuillées qui ont été mises en place, parce que, justement, les gens ne sont plus solidaires entre eux. Et quelle que soit la nature du deuil, je ne sais pas, vous comprenez, monsieur, c'est difficile. On peut être en deuil, même d'un point de vue que, parce que économique, peu importe, hein, une situation dans laquelle, tout simplement, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas... subvenir à leurs besoins, mais c'est très difficile, hein, ça à ce moment-là, c'est un autre sujet, on part encore sur d'autres choses, parce que c'est toute une remise en question de la société à ce moment-là qu'il faudrait faire. Y a-t-il d'autres questions ? La parole est ouverte, si vous êtes pour du deuil, là, la dernière question c'était l'abandon. Par rapport au deuil, moi j'avais envie de quand même relier la notion d'abandon au deuil, parce que je pense par exemple au fait que le deuil apparemment passe la frontière des espèces. On sait que depuis longtemps on parle du cimetière des éléphants, on sait que les éléphants visitent des lieux où sont morts d'autres éléphants qu'ils connaissaient. Et à chaque fois, ils repassent et ils reniflent les ossements. Et en fait, il n'y a pas de cimetière des éléphants, il y a juste le fait qu'ils ont aussi la notion du deuil. Apparemment, il n'y a pas que l'être humain. Donc, on peut se poser aussi la question, ce sentiment du deuil est aussi général dans le monde animal. Et donc, je relierai ce sentiment d'abandon, par exemple, à une fondation qui est au Kenya, et qui s'occupe de recueillir des éléphants orphelins. Et en fait, ce sont des éléphants donc, qui sont pris tout jeunes, et comme ils n'ont pas de défense, ils ne sont pas tués par les braconniers, tout le reste du troupeau souvent est tué ou massacré. Et dans ce cas-là, quand ils récupèrent le bébé éléphant et qu'ils le ramènent dans un refuge, très souvent le bébé éléphant se laisse mourir de faim. Parce qu'il ne surmonte pas la perte des êtres proches, c'est-à-dire la brutalité de... Et ça m'étonnait d'ailleurs, ça me permet d'introduire le terme de syndrome post-traumatique de stress, qui est quand même lié à cette notion-là, à la notion du choc émotionnel qu'on subit lors de la perte de quelqu'un. Parce qu'il y a la perte en elle-même, mais il y a aussi l'événement traumatique autour de la perte. Si vous quelqu'un de vieillesse ou vous perdez quelqu'un dans un accident, c'est pas du tout pareil. Ou dans le cas de ce petit éléphant, quand votre famille est massacrée, ça pourrait être dans les cas de guerre civile ou les guerres tout court, quand vous perdez toute votre fiction atroce. Donc je pense que le sentiment d'abandon intervient après la perte des êtres chers. Et que la seule façon pour un bébé éléphant de reprendre le goût à la vie, c'est quelque part entouré. Est-ce que justement cette douleur ressentie liée au traumatisme et ce sentiment d'abandon ne peut pas être soigné grâce à l'amour finalement ? C'est intéressant parce que je crois que c'est ça ce que j'ai dit en fait, c'est que l'amour résout tous les problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple dans les animaux, à l'heure actuelle, on voit des photographes ou même des caméramans qui font des choses extraordinaires. Par exemple, un animal qui normalement devrait s'entretuer, par exemple des lions qui s'occupent d'un bébé antilope parce qu'il n'a plus de famille. Mais ça, c'est vraiment, effectivement, c'est l'instinct, c'est l'amour, c'est toutes ces choses-là. Mais je pense que l'éducation y est pause, parce qu'à l'heure actuelle, dans l'éducation, on apprend essentiellement à avoir un métier, une profession, alors qu'on devrait aussi apprendre les valeurs essentielles de la vie. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que le deuil et la séparation s'expérimentent, mais on renvoie une image négative de cette représentation de la perte. Alors que je pense que si très tôt on apprenait à se séparer, à se détacher, bon, moins ce sentiment d'abandon. Alors évidemment, après, plus on grandit, plus il y a des blessures qui viennent se greffer de plus en plus sur ce sentiment d'abandon et peuvent parfois, merci monsieur, prendre beaucoup d'ampleur. Parce qu'il y a une partie, l'éducation, parce que les parents ont un rôle, évidemment, mais l'école aussi a un rôle, je pense, par rapport à ça. C'est qu'il y a des valeurs humaines et à apprendre quelque part. Alors, on parle du deuil et vous êtes bienvenue si vous avez des questions à poser sur le deuil. Oui, moi, par rapport aux pertes que j'ai pu ressentir, c'est le stoïcisme qui m'a pas... Enfin, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était quelque chose qui était très proche de la façon dont je fonctionnais. Et ça m'a fait intensifier justement cette façon de fonctionner. Et j'ai pas l'impression que c'est tout à fait ce que vous dites sur le détachement. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a juste l'affection, la douleur, le sentiment de perte, mais enfin corporel, physique, c'est-à-dire la douleur du manque de l'autre, comme il en parlait aussi tout à l'heure, et qui peut être, vraiment faire mal en fait. C'est pour ça que je parle de douleur. Vous parlez de souffrance en le mettant en comparaison avec le moi. C'est pour ça que là, plus de douleur. Et ça, en effet, ça passe avec le temps. Alors après, là où il y a la distinction entre, c'est-à-dire que cette douleur, on peut lutter contre ou on peut l'accepter. Et à partir du moment où elle s'accepte, elle va petit à petit à lutter contre. Ça peut faire, je sais pas moi, rajouter des comportements, des comportements ou des actions un peu excessives pour éviter de la ressentir. Alors je sais pas, il y a toutes les addictions possibles, par exemple. Et sur du stoïcisme, qui est assez intéressant, c'est que donc il y a cette affection qui est d'abord de l'ordre du corporel, et par contre il y a tous les jugements qu'on va mettre autour de la perte. Par exemple, ah, mais si je lui avais parlé ce jour-là ou il y a 3 jours avant, peut-être qu'il ne se serait pas passé ça comme ça. Ah oui, mais peut-être que... Et puis c'est vrai, ça, c'est ce qui s'appelle les jugements qui vont être tournés en répétition dans l'esprit et qui créent de la souffrance. Peut-être où là, c'est plus la question de la souffrance du moi. Et ça peut s'intensifier, quitte à rendre fou d'ailleurs. Et ce qui est assez intéressant avec le stoïcisme, justement, donc c'est pas du tout se couper des affaires, c'est ressentir les affections. Par contre, tous ces jugements-là, en fait, ils ne... permettent pas d'avancer ou de produire des choses, donc c'est arrêter ces jugements-là. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte sur pas mal d'éléments, que quand ces jugements, à un moment, on les met à... Alors, il y a pas ce que je faisais, c'est que je les poussais à bout. J'essayais de les penser, parce que souvent, quand on a un jugement qui arrive comme ça, on se dit non, je veux pas y penser. Et donc, moi, j'essayais de les pousser vraiment au bout de la réflexion, qui arrivait à rien, d'ailleurs. Mais comme elle arrivait à rien, ça les enlevait, quoi. Et quand il reste que, justement, l'aspect physique, émotionnel, et puis tous ces jugements autour, déjà il y a un sentiment de paix qui arrive, et puis ça évite que ça se reproduise sur les autres, c'est-à-dire qu'on va aller après reprocher quelque chose à quelqu'un d'autre ou demander à l'autre ce qu'il en pense de ça, et donc les jugements se multiplient à ce niveau-là. Le détachement dont vous parliez, c'était par rapport à ces jugements-là ou c'était par rapport au ressenti, ou est-ce qu'il y avait cette distinction-là, je sais pas. Je pensais avoir été claire, donc non. C'est intéressant. Donc on voit tout communiquer sur les choses de la vie intérieure, en fait. Hein, c'est, voilà. En fait, le détachement, quand on annonce le décès de quelqu'un, on ne peut pas être dans le détachement, ça, parce que c'est complètement inhumain, c'est impossible. Ou même quand on a une douleur, c'est pas possible. Le détachement, c'est à un moment donné qu'on a pris du recul par rapport à son ressenti affectif, émotionnel. Par contre, quand on a des jugements, on peut avoir une partie de détachement, c'est-à-dire qu'au lieu de lutter, c'est accepter qu'on a ces jugements. Accepter, à partir du moment où on accepte ces jugements, même si on a des sentiments, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ambivalence, c'est tout simplement, accepter, c'est pas rare, se dispute et quelqu'un prend une voiture et il est mort et il ne reviendra pas. Il y a un grand sentiment de culpabilité, par exemple, dans ces cas-là. Mais c'est accepter la culpabilité, parce que plus on va avec ça, plus on va être en souffrance. Et là où intervient le détachement, c'est quand on accepte d'avoir été ou d'être dans le jugement. Quand on accepte le jugement, on passe à autre chose. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Plus ou moins. Bon, on va faire un échange, repréciser. Moi, j'avais l'impression à un moment donné que tu détachais la douleur de la perte avec que la souffrance. Est-ce que ça voulait dire ce que tu voulais dire, que la souffrance se continuait, par contre la douleur s'atténuait, c'est-à-dire que la douleur, elle est liée au temps, alors que la souffrance non. C'est ça? Ah d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ça me plaît pas mal. Qui a des questions sur le deuil? Tout le monde doit faire le deuil de. Alors, moi, je pense qu'il y avait un concept dont, au début des soins palliatifs, on parlait de douleur totale. Quand on parle de douleur totale, bon, après, de l'anglais au français, il y a une différence entre douleur et souffrance, mais la douleur totale, ça inclut tout type de douleur. Donc, est-ce que par rapport aux idées, bien souvent, on pense que les idées, c'est quelque chose de mental, mais souvent les idées, elles sont reliées aux émotions. Et ça veut dire que quelque part, quand je disais que c'était lié émotionnel, tout ça est lié à la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que quand on a une douleur physique, évidemment, on ne peut pas se détacher émotionnellement. On est complètement inhibé par cette douleur, y compris quand elle est au niveau de la souffrance. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Mais moi, c'est juste pour dire que je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis ostéo. Et dans l'ostéopathie, il y a un côté psycho-émotionnel très important. Et le côté somato-psychologique ou psychosomatique, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que toute douleur physique a un impact sur l'émotion. Et toute émotion a un impact sur le physique. Et du coup, tout deuil va avoir un impact conscient ou inconscient sur les douleurs générales des patients, et tous les états émotionnels vont avoir un impact, c'est sûr et certain. Alors, j'ai absolument pas entendu toutes les interventions, mais du coup je voulais juste parler de quelque chose moi qui m'a toujours impressionné, et plus dans le cadre dans un cadre tout d'abord professionnel. En fait, quand on est face à des salariés qui ont subi une agression, quelque chose, etc., etc. Et c'est pas vraiment un deuil, mais ça s'y rapproche un petit peu quand même. Et je ferai le parallèle un petit peu ce que j'ai pu voir, notamment des personnes qui témoignent après les attentats du Bataclan, qui eux, pour le coup, sont en deuil. Et en fait, c'est cette espèce de truc assez chirurgical et assez clinique, en fait. C'est que les gens sont beaucoup dans le détail. Ils sont à limite comme des espèces de robots, en fait. Moi, c'est toujours quelque chose. Et il y a ce truc de revenir, en fait, très rapidement, pour certaines personnes, une espèce de normalité. Ça, je l'ai vu, par exemple, pour des anciens collègues de travail qui se font agresser au travail, et à qui on dit non mais c'est bon, tu peux aller te reposer, tu peux prendre quelques jours de congé. Et en fait non, les collègues ne le souhaitent pas sur leur lieu de travail. Et alors que des fois on a pu faire appel à des assistants psychologiques, etc., etc. Mais c'est toujours très compliqué quand on a affaire à ce genre de situation. Et réponse, mais en fait je. Dans ces cas-là, moi j'étais dans le cadre d'une mission de représentant du personnel, donc je ne suis pas, enfin, je suis pas médecin, je suis pas psy, j'ai pas de compétences, et j'ai pas, ouais, je le dis, mais c'est un travail où on est en contact avec, on est en contact avec de la clientèle, Et donc j'étais simplement membre d'un ce qu'on appelait un comité d'hygiène, sécurité et de conditions de travail. Et c'est vrai que du coup c'est toujours un peu compliqué en fait de comment dire, le pour et le contre, et de savoir si vraiment la personne en fait a vraiment besoin de reprendre un espèce de cycle de vie entre guillemets habituel pour faire son deuil ou pour que ça aille mieux, ou c'est juste un truc de façade et 2-3 jours après en fait elle est obligée de se mettre en arrêt par exemple, ou elle rentre dans une phase de deuil pour par exemple ces témoignages de personnes qui avaient perdu des proches notamment après les attentats, parce que je donne cet exemple parce que ça m'avait beaucoup marqué en voyant ça à la télévision. Donc voilà, c'est toujours des interrogations que je me faisais à l'époque. Alors, est-ce qu'il y avait une différence de genre ou pas? C'était des hommes, des femmes, les deux? Il n'y avait pas de distinction? Oui, mais je pose la question, parce que justement, ma réponse va influencer en fonction de ça. Si ça peut, oui, je pense. Mais dans le secteur... Non, mais il ne faut pas être désolé, on peut avoir une réponse différente. Hein. Mais je pense que les dans nos sociétés, ça dépend des générations. En plus, les hommes ont moins de facilité à s'exprimer sur le plan émotionnel. Et il y a moins de... Voilà, je pense que bon. Après, ça dépend des générations. Heureusement, ça commence à changer. Donc, en fait, je pense que peut-être le fait de se remettre au travail, c'est une manière d'oublier. Mais c'est tout un système parce que, en fait, quand on voit le nombre de jours qu'on accorde en fonction de la parentalité avec laquelle on a le moi, je trouve ça assez épidermique, quoi, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus besoin de prendre soin et de faire une pause en fonction d'un deuil, quel que soit le deuil, et je trouve qu'on n'accorde pas suffisamment. Alors peut-être que les gens, en fonction d'une certaine violence qu'ils ont vécue à un moment donné par rapport au deuil, ont besoin d'occulter ce vécu en se remettant au travail. Alors on peut pas du tout, j'ai pas du tout envie de m'improviser et faire de la psychologie de comptoir parce que c'est chaque fois du cas pour cas. Cas par cas. Par contre, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de ces personnes. Et je pense que c'est l'attitude tout à fait d'une personne à une autre. Certaines personnes auront envie parce qu'elles pensent que c'est ça qu'elles ont à faire et quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est d'être à l'écoute de ces personnes et de les entourer. Et je parle bien d'adultes parce que la demande par rapport aux enfants. Je ne sais pas si ça apporte vraiment une réponse, parce qu'il faudrait, à chaque situation, à chaque cas, parce que les gens sont uniques et il y a à chaque fois une réponse unique à ça. Ouais, et moi j'avais envie de rajouter, j'imagine qu'il y a des personnes qui de toute façon, il faut être entouré. Alors, certaines personnes qui sont au boulot, elles rentrent chez elles sont toutes seules. Et ces personnes-là, à mon avis, elles ont besoin de toute assistance possible. Et donc, les gens de l'entourage professionnel peuvent être utiles pour pas qu'elles se sentent totalement seules. Par contre, vont se dire, moi, il m'arrive un truc grave, je préfère être avec mes proches pour gérer le problème, le deuil, plutôt que d'avoir une pseudo-affection de la part de collègues de où ça serait peut-être maladroit ou... Mais en tout cas, de manière générale, je pense que c'est le s'assurer qu'il y a de l'humanité autour de la personne en deuil. Alors, je pense qu'il faut rester humble parce que, situation, je pense qu'on est maladroit de toute manière. Parce qu'on va avoir des questions, des réponses toutes faites en disant ça va, le temps va arranger les choses, etc. Et je pense que, quelque part, on part d'une bonne intention, mais les paroles peuvent être parfois maladroites. Mais c'est quand même d'entourer. Voilà, je pense. Alors, après, il n'existe pas que des professionnels, pas que des voisins. Il existe aussi des associations qui s'occupent, qui font des groupes d'endeuillés, comme d'autres groupes, qu'on rassemble les personnes qui ont vécu. Mais normalement, oui, au revoir, merci, au revoir. Voilà. Mais normalement, quand il y a un traumatisme et en cas d'attentat, il y a ce qu'on appelle les protocoles de crise qui se mettent en place. Normalement, les personnes sont accompagnées. Et là, vous, Mach, n'est pas accompagné. Donc, en fait, vous parliez de deux situations. J'ai compris que l'entourage donc, des personnes qui avaient vécu le Bataclan, elles n'étaient pas entourées. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je disais, en fait. C'est que dans les deux, en fait, on a les mêmes postures physiques et un peu de ce côté, comment dire, ouais, ce côté un petit peu robot, moi, ce que j'appellerais de robot, ont des faits très, très, très précis et effectivement, je pense qu'ils cachent quelque chose. Sur l'exemple du Bataclan, moi, ce qui m'avait étonné, c'est que forcément, c'est un événement bien évidemment dramatique, mais c'est la rapidité, entre guillemets, sur laquelle des gens se sont retrouvés sur des plateaux de télévision avec tout ce que ça peut compter d'éclairage, voilà, de mise en scène aussi quelque part, des gens qui leur posent des questions, etc., etc. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'idéal, entre guillemets, de se retrouver sur un plateau de télé comme ça, à témoigner de choses qui parfois sont horribles, et de cette façon très chirurgicale, et puis après, entre guillemets, de tout ce côté un peu... Et puis tout d'un coup, bah, après, on est chez soi. On peut être plus ou moins seul, ça dépend des familles. Et c'est vrai que je ne sais pas quel est le service après-vente, entre guillemets, hein, je précise, mes termes sont un peu malades. En tout cas, je ne sais pas le suivi qu'il y a eu après. J'avais cru comprendre que ça avait pas, enfin en tout cas, dans un premier temps, l'État n'avait pas pris conscience justement de ces difficultés qui pouvaient avoir lieu un mois, deux mois, un an après, en tout cas des carences par rapport à ça. Mais depuis, j'avoue que, entre guillemets, on n'en parle plus, enfin, en tout cas, de ces personnes, de ces suivis. Et je ne pourrais pas dire si aujourd'hui les personnes sont bien suivies ou pas. Et c'était pas absolument pas mon propos. C'était plus le côté se jeter quelque part un peu dans ce cirque médiatique. Et alors qu'on a subi quelque chose qui est traumatisant. Et parfois des gens qui ont perdu leurs enfants ou des très très proches. C'était plutôt comme ça, et vraiment encore un côté très mécanique de la réaction et des témoignages. Je pense que les personnes qui donnent beaucoup de détails, c'est parce que même si le temps, à ce moment-là, il prend une autre... C'est-à-dire que vu que c'est très intense, on mémorise beaucoup de détails. Et je pense que c'est important. C'est comme si c'était pour pouvoir faire remonter la mémoire pour faire marche arrière, quelque part. Voilà. Il existe d'ailleurs des méthodes pour ça, hein, des méthodes en psychologie pour ça. Et effectivement, le souci, c'est qu'on ne fait pas suffisamment... On ne s'introspecte pas, je ne sais pas comment expliquer vraiment, mais on fait pas, on va pas à l'intérieur de soi-même pour résoudre les problèmes. Et quand on a un traumatisme de grande ampleur, par exemple, le fait que les médias, les projecteurs viennent sur nous, ça ne permet pas vraiment d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, parce que je pense que très rapidement, c'est comme si l'obligation de parler, alors je pense que certaines personnes, elles étaient volontaires, hein, de toute manière, il y a toujours le libre arbitre, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas bien compte, c'est a posteriori qu'on se rend compte de ce qui s'est passé, parce que sur le moment même, on est tellement en choc, parce que là, le choc, à mon avis, il est costaud, c'est absolument pas possible de se rendre compte, de réaliser, et même peut-être même de réfléchir, en se disant oui, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas de répondre aux journalistes, etc. Je pense que là, il n'y a pas suffisamment eu de soutien dans la durée. Moi, c'est ce qui me soucie, parce que on parle mal de protocoles de crise qui sont mis en place, etc. Mais l'important, c'est de ne pas rajouter de deuil au problème. Là, à mon avis, ce n'est pas qu'un, là, parce qu'il y a plusieurs, ils ont été témoins de plusieurs morts. Et je pense qu'il faut être très prudent. Et on est dépassé dans ces cas-là. De toute manière, je pense qu'il n'y a pas de recette. On est toujours dépassé. Mais l'important, c'est toujours de veiller à ce qu'on ait accès à cette part intérieure de soi-même. Et pas tout miser sur l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est, dès qu'on parle de choses sensibles comme le deuil, la perte, la souffrance, tout ça, c'est très difficile d'exprimer et d'essayer de vulgariser ce que soi-même on vit aussi, de les partager avec d'autres. D'où l'intérêt de toute cellulaire, hein, à nuit debout, etc. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. C'est pas une question, mais c'est le travail du deuil. Ça me faisait penser à un texte de Borges, soit être un poème. Ouais. Et il fait la liste des choses qu'il a vues, entendues ou faites pour la dernière fois. Et il dit, on ne sait pas qui les a vues ou faites pour la dernière fois, mais il dit chaque jour le cercle de ces choses s'agrandit, s'accroît, se ressent. Et mais je me demandais si le travail du deuil, ça pouvait être peut-être pas une réconciliation avec la mort ou une acceptation ou voire une recherche d'un rapport fusionnel avec la mort. Ça peut être mis en forme dans la littérature romantique. Je pense que c'est un poème de Baudelaire. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et enfin, je sais pas. Je vais poser ça là. Voilà. Okay. Donc c'était. Bon. Non, mais prendre les choses dans leur contexte aussi, en fonction des époques, on a nié la mort, donc en ce moment on est dans le déni par rapport à la mort. À certaines époques, la mort faisait partie de nous, en fait. Enfin, on la reculait pas. Il faut prendre aussi en compte des textes qui ont été dits par certains auteurs, parce que la mort, elle était acceptée, on va dire, elle était acceptée. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Enfin, je ne sais pas, ce n'était pas non plus forcément une question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va passer à l'intervention suivante. Ouais. Okay. Donc, on va aborder maintenant la question des retraites. Et donc, voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, la question des retraites.